Le théâtre populaire de juin 44 présente, dans une production de Maurice Bertrand, Les Tisserands, une adaptation radiophonique du drame de Gerhard Hauptmann, traduction française de Jean Torel, avec la distribution suivante. Le fabricant, Dreisiger, Marcel André. Le vieux Baumer, Lucien Rimbourg. Jaeger, André Burget. Becker, Jean-Louis Maury. Le commissaire Heide, Jean Clarence. Le forgeron Wittig, Georges Cuisin. Hills, Raymond Rognoni. Hansorg, Charles Lavial. Hornig, Georges Adet. Pfeiffer, Jacques Mancier. Le pasteur Kittelhaus, Marcel Alba. Le gendarme Kutsch, Marcel Lestin. Wigand, Vallevaldi. Le précepteur Weinhold, Serge Rousseau. Welzel, Jean Bourgogne. Le commis voyageur, Michel Ferrand. Jean-Louis Perdou. La mère Baumert, Charlotte Clasis. Louise, Germaine Ledoyen. Madame Dreisiger, Olga Nilza. Madame Kittelhaus, Fanny Marette. Anne Welzel, René Dandry. Emma, Jacqueline Rivière. Bertha, André Gilles. Et la récitante, Anne Laurent. Présentation de M. Gérard Jacquet, ancien ministre, président de juin 44. Réalisation Roger Dattis. Monsieur Maurice Bertrand vous parle. Jean-Marie Amato vient de disparaître d'une manière tragique. Il était un peu des nôtres, ayant quelquefois participé à nos émissions. Au nom de tous, je salue ici la mémoire de Jean-Marie Amato, homme de cœur et comédien de talent. Maintenant, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, vous allez entendre Les Tisserands de Hauptmann, pièce qui, à la fin du siècle dernier, marqua l'avènement d'un théâtre social. Gérard Jacquet, ancien ministre et président de juin 44, a bien voulu venir présenter lui-même cette œuvre. Mon cher président, vous avez la parole. Dans le cadre des émissions anniversaires inaugurées par France 3 et centrées ce mois-ci sur le développement du machinisme, juin 44 présente Les Tisserands de Gérard Hauptmann. C'est le récit d'une grève de prolétaires silésiens. L'auteur nous conte leur révolte et leur colère. Celle-ci avait sans doute à leur origine l'annonce d'une modernisation technique des filatures et le remplacement des vieux métiers qui faisaient craindre à l'époque le chômage et la misère. En Allemagne, la pièce eut un retentissement considérable et fut très discutée. C'était l'exemple d'un nouveau rôle du théâtre dans la vie moderne, car il y a un problème plus âpre, plus tragique, plus poignant que le problème de l'amour, c'est celui du pain quotidien. À Paris, Antoine monta Les Tisserands au Théâtre Libre en 1895. Et le succès fut tel qu'un critique déclara « Il semble que le théâtre français soit étouffé sous le poids de ce drame social. » À l'époque, cela parut en effet une chose neuve que cette rude histoire qui mettait en jeu le monde du travail et se déroulait dans un cadre réel, offrant avec son caractère dramatique une matière à méditation. Un profond accent de vérité anime cette fresque tragique dans laquelle se débattent des hommes et des femmes exaspérés par la misère. Elle ne vaut pas seulement par ses intentions généreuses, mais surtout par sa profonde humanité. Hauptmann, mettant en scène des travailleurs, avait d'abord pénétré dans leur intimité pour y découvrir leur personnalité, surprendre leur mouvement d'âme. Cette vérité populaire qui a contrarié l'effort de tant de grands écrivains, chez lui semble naturelle. Les Tisserands s'imposent par des effets tirés du détail de la vie ouvrière de la fin du siècle dernier, et s'il y a beaucoup de justesse dans cette simplicité, d'exactitude dans l'observation des menus faits, c'est par sa générosité que cette œuvre garde encore un émouvant attrait. Pour en résumer la signification, je dirais qu'elle montre le courage patient et clairvoyant qui, sans illusion, espère et lutte, mais que soutiennent le sentiment de la dignité humaine et la confiance en un avenir meilleur. Je me souviens d'un mot de Léon Blum qui disait « Notre théâtre est faible dans ce genre, mais n'oubliez pas que les tisserands sont très près d'être un chef-d'œuvre. » Si le temps et le progrès social ont un peu atténué la force de cette pièce, écoutez-la quand même avec respect, car elle fut en son temps un manifeste d'émancipation. Midi d'une sombre journée de mai 1840, dans le vaste hall aux murs grisâtres de la fabrique de Dreissiger, à Peterswaldau, en Silésie. C'est l'endroit où les tisserands viennent livrer les tissus achevés que l'expéditeur Pfeiffer examine à l'aide d'un compas et d'une loupe. Auprès de lui, le commis Tilgwer en vérifie le poids et le caissier Neumann en effectue le paiement. Reste 10 groschen de finish. Merci bien. Eh bien, c'est pas votre compte? Oh, avancez-moi encore quelques pfennigs, j'en aurais tant besoin. Ah, s'il fallait considérer les choses dont on a besoin, moi j'aurais besoin de quelques centaines de thalers. Allez, allez, au suivant. Pour les avances, c'est M. Dreissiger qui décide. Monsieur Pfeiffer, oui. Est-ce que je pourrais le voir, M. Dreissiger? Il y aurait trop à faire s'il fallait qu'il s'occupe de toutes ces misères. Sommes là pour ça, nous autres. Mon Dieu, quel courant d'air! Fermez donc la porte quand vous entrez! Ah, c'est comme si on parlait à des bûches! Allez, c'est fini, un autre. Pesez maintenant. Vous me faites encore l'effet de drôlement savoir votre métier, vous. C'est plein de défauts. Vous savez même pas où retirer la chaîne. Ah, mon compliment, c'est du propre. Ah, tonnerre de Dieu, quel sale temps! Est-ce qu'on va être rincés, les enfants? Ah oui, ça, il pourrait bien pleuvoir. Ouais. Ah, ça fait du bien de se reposer. Ouais, c'est encore ce qu'il y a de plus clair. Ça fait plus de bien que leur cake visirat de Groschen. Oh, les cakes Groschen, c'est bon à prendre aussi. Ouais. Bonjour, Becker. Bonjour, Père Baumer. Eh, il va encore falloir poser, mon pauvre vieux. Ah oui, ça, il n'y regarde pas de ses pères. J'ai déjà fait la queue des heures entières, moi, ici. Ils seront pour eux, ça compte pas. Ouais. Bah, silence dans vos yeux, on s'entend pas. Il est salement luné aujourd'hui. Je vous l'ai pourtant dit assez de fois, Rayman, qu'il fallait mieux nettoyer ça. Oh. Vous êtes trop flemme. Oh. Tenez, cette fille-là se lent comme la main. Et de la paille. Et toutes ces saletés. Il y en a pas tant que ça. Le poignet pas. Ah, ils sont réussis, nos tisserands. Des déchets sur chaque pièce livrée. Ah, de mon temps, c'est le patron qui n'aurait pas accepté ça. Mais à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, il fallait savoir son métier. Maintenant, va t'en voir. Rayman, dis Groschen. On a pourtant droit à une livre de déchets. Ah, j'ai pas le temps, c'est réglé, c'est réglé. Bon, qu'est-ce que vous apportez, Rayman? Faites excuse, monsieur Pfeiffer. Si c'était un effet de votre bonté, si vous vouliez avoir la complaisance, ça me rendrait grand service. Ne pas me décompter mon avance cette fois-ci. Ah, le moment est bien choisi pour me demander ça. Si vous me rapportiez seulement de l'ouvrage un peu propre. Non, mais regardez-moi ça. La semaine prochaine, je pourrais tout régler, mais cette semaine, il m'a fallu faire 2 jours de corvée, et puis ma fille qui est malade. Je vous dis que c'est encore du travail gâché que vous me livrez là. Et celui-là, donc. Mais... Trop lâche ici. Là, trop étroit. Mais... Et puis ces fils de trame brouillés les uns dans les autres. Ou bien relâchés. Et pas même 60 fils par pouce. Bah, où est le reste? Qu'est-ce que vous en avez fait? Et qu'est-ce que vous faites de ce qu'on vous donne? Oh, la sale bête. Faudrait peut-être nous acheter notre fil nous-mêmes aussi, hein? Oh, monsieur Pfeiffer. Je ne pourrais pas m'en tirer si vous ne me donnez pas une petite avance. Oh, Seigneur Jésus! Fichez-moi la paix avec vos jérémiades. Et laissez donc le Seigneur Jésus tranquille. Avec ça que vous vous en souciez beaucoup d'habitude du Seigneur Jésus. Quand on connaît son métier et qu'on travaille avec la crainte de Dieu, On n'a jamais besoin d'avance, c'est compris? C'est comme les tissants de Bielao. Même s'ils gagnent quatre fois plus, ils dépensent quatre fois plus. Et ils font encore des dettes. Oh, je suis pourtant pas paresseuse, mais il n'y a plus moyen que ça dure. J'ai manqué deux fois à y passer. Et je dors plus. Il y a des semaines où j'ai pas fermé l'œil. Oh, si encore j'avais pas une maladie qui me ronge les os, mais je tiens plus de vous. Je vous en prie, mon bon monsieur. Mon bon monsieur, avancez-moi, quelle groschen. Rayman, 11 groschen. On m'a toujours donné 13 groschen pour une pièce. Oh, si vous n'êtes pas content, Rayman, il n'y a qu'à moi dire. Il manque pas de tisserand aussi malin que vous. Quand il y aura juste le poids, on vous paiera encore 13 groschen. Faudrait me prouver qu'il n'y a pas le poids. Apportez-moi une pièce bien tissée, vous aurez votre salaire complet. Eh ben, celle-là, elle est pas bien. Ah, vous y voyez tant de défauts. Qui tisse bien, vit bien. Qui tisse mal, vit mal. Monsieur Pfeiffer, si c'était un effet de votre bonté, si vous voulez être assez bon, pas me retirer mon avance aujourd'hui. Hein? Mon brave Hibbert, je n'ai pas que vous à penser. Il faut que je m'occupe aussi des autres. On m'a donné le fil comme ça. Je l'ai retiré du métier comme j'y avais mis. Je peux pas rapporter du fil meilleur que celui qu'on me donne. Si le fil ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à plus venir en chercher. Il y a assez d'ouvriers qui s'useraient le cuir des talons à venir le prendre comme il est. Vous ne voulez pas prendre l'argent? Il n'y a pas mon compte. Bon, comme vous voudrez. À vous, Hibbert. 10 groschen à déduire 5 groschen d'avance. Reste 5 groschen. Oh, misère, misère. Enfin. Oui, mon pauvre François, il y a de quoi joindre. C'est pas commode, la vie. Baker, très prochaine. Ouais. Oh, c'est une aumône, ça, c'est pas un salaire. Ceux qui sont payés peuvent bien s'en aller. Il n'y a plus moyen de bouger ici. C'est une misérable aumône, un pourboire, rien de plus. Et pour ça, il faut trimer du matin au soir, passer la moitié des nuits. Et quand on s'est esquinté, qu'on s'est à moitié cravé, on a gagné quoi? 13 groschen. Dites-donc, Baker. N'êtes pas ici pour gueuler comme ça. Oh, c'est toujours pas à vous qui me ferez taire, hein? Nous verrons bien. J'ai commandé à Baker de se taire. Il refuse de m'obéir. Ah, Baker. C'est ça, Baker? Oui. Oui, monsieur Dreissiger. C'est ça, Baker. Et monsieur Dreissiger, c'est ça. Ah. Eh bien, ben vous avez un toupet, vous. Il paraît que ça marchait trop bien pour lui. Mais t'en vas la cruche à l'eau. Ouais, tu vas te taire, toi, vilain sorcier. Fermez ta sale gueule de fils du diable. Ah, silence tout de suite, hein. Silence ou sinon. Oh, je suis pas sourd. Pas besoin de crier comme ça. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce garde-monde là? Est-ce qu'il n'était pas de la bande d'hier soir? Oh, c'est un tisserand de Biello. On est toujours sûr de les trouver là où il y a quelques mauvais coups à faire. Oui, eh bien, tenez ce que je vais vous dire. S'il arrive encore une seule fois qu'une bande d'ivrognes, de voyous, passe devant chez moi comme hier soir en chantant cette ignoble chanson, sur mon honneur, je fais arrêter l'un de vous. Et je le livre à la justice. Vous verrez si je plaisante. Et si je découvre qui est-ce qui l'a faite, cette ordure de chanson... Ah, faut pas la blaguer, hein, c'est une belle chanson. Ça, si vous êtes encore un bon, vous, je vous fais arrêter tout de suite. Ça sera pas long. Et on saura vous saler. J'en ai fait saler d'autres, hein. Oh, mais j'en doute pas. Un gros fabricant comme vous, fichtre, ça a même vite fait de faire saler 200 ou 300 tisserands. Passez muscade, ça y est. On leur laisse même pas quémander quelques eaux frais. Et un gros fabricant, ça peut tout manger. Ça a quatre estomacs, comme les vaches. Et une mâchoire comme celle des loups, hein? Je n'ai pas besoin de vous dire de ne plus donner de travail à cet homme-là, hein? Bien, vous serez... Crever devant le métier ou devant un fossé, qu'est-ce que ça peut me foutre, hein, moi? Oui, allez, à la porte, tout de suite, à la porte! D'abord, ma paye. Oui, combien lui revient-il? 13 groschen. Voilà. Allez, maintenant filez. Filez! Quand on m'aura donné ma paye? Ben, je l'ai donnée. Non. Ah, si vous ne filez pas, il est midi, hein? Mes taturiers vont sortir. Il me faut mon argent dans ma main, là, et pas par terre. Oui, ramassez le tilguet. Bon, comme ça, ça va. Avec moi, faut être convenable. Alors, quoi, que se passe-t-il là-bas? Il y a un petit qui a une attaque. Oh, un gosse qui est tombé. Oui, on ne sait pas ce qu'il a. Mal. Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, enfin, voyons, comment, une il attaque est là, il est là, couché par terre. Voyons, quelqu'un le connaît-il, ce petit? Il est pas de village. Hein? Tu le connais, toi, beau mec? Ben, ça a tout l'air d'être un petit Henrichen? Oui. Ah oui, mais oui, c'est le petit Gustave Henrichen. Mais où demeurent ses parents? Et là-haut, tout près de chez nous, à Kasbah, monsieur Dreyfusiger. Il va chanter sur les routes quand il ne peut pas travailler au métier. Ils ont 9 enfants et le 10e est en route. Ils sont dans la misère. Une cahute en ruine. Il n'y a pas de chemise pour les 9 enfants. Eh ben voyons, mon petit, hein, quoi qu'il y a donc. Alors, rien. Faut se réveiller. Prenez-le avec moi, je le relève. Ouais. Prenez-le. Eh oui, c'est une folie de faire un si long chemin à un enfant si faible. Pfeiffer, apportez un peu d'eau. On va pas faire de bêtises, mon petit, hein. On va pas mourir. Pfeiffer, apportez plutôt du cognac, ça vaudra mieux. Donnez-lui plutôt quelque chose à manger et il s'en remettra. Mais ça ne va pas, ça ne va pas. Prenez-le sous le bras, Noman. Doucement. Hein. Là. Portons-le dans ma chambre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit quelque chose, monsieur Dreyfusiger. Quoi? Il remue les lèvres. Mais qu'est-ce que tu veux, petit? J'ai faim. Mais je comprends pas ce qu'il dit. Mais je crois bien qu'il disait que... Voyons, nous verrons. Qu'il ne reste pas ici d'abord, allez. Chez moi, sur le canapé, il sera bien. Nous verrons ce que dira le médecin. Vous, suivez-moi, messieurs, suivez-moi. Je crois bien que Becker avait raison. Le gauche l'a bien dit, qu'il avait faim. Qu'est-ce que nous ficherons l'hiver si on continue comme ça à réduire nos salaires? Le plus malin, c'est encore le tisserand Neudwisch, qui s'est passé une corde au cou et qui s'est pendu à son métier. Tiens, prends une prise, mon vieux. Ouais. J'étais à Neurode, où travaille mon beau-frère, dans la fabrique où qu'on fait le tabac. Ouais. C'est lui qui m'en a donné. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau comme ça dans ton mouchoir? Un peu de farine. Le meunier d'Ulbrich, avec son chariot, marchait devant moi. Il y a un sac qui s'est un peu renversé. Et alors, il m'a laissé ramasser ce qui était tombé. J'en avais migrement besoin. Je te prie de le croire. Il y a 22 moulins à Peterswald. Mais il n'y a pas beaucoup qui tournent pour nous. Faut tout de même pas se décourager. Il finit toujours par arriver quelque chose qui vous aide un peu. Et quand on a faim, priez tous les saints du paradis. Mais si ça n'aide pas, va se mettre une pierre dans la bouche et la sucer. Ça n'était rien. Le petit est déjà tout affermi. N'empêche que c'est stupide de faire de pareilles courses à un gamin. Je veux plus que pareille chose arrive. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait responsable? Les fabricants, parbleu, hein? C'est nous, les boucs émissaires. Les tisserands, on les flatte toujours, nous. On est tout le temps sur nous. Je voudrais vous voir, moi. Je voudrais vous voir dans ma peau un peu de temps. Vous en auriez vite assez. Je ne vois rien, ce coquin de Becker. Voyez un peu comme il s'est conduit. Qui ne l'empêchera pas de crier partout que je suis un être sans cœur, que pour un oui, pour un non, je chasse mes ouvriers. Eh ben voyons, est-ce que c'est vrai, ça, hein? Est-ce que je suis un être sans cœur? Non. Parbleu, je le sais bien. Ça n'empêche pas ces brutes de se promener le soir dans les rues, en chantant d'ignobles couplets sur nous, les fabricants. Ils paraissent qu'on les laisse mourir de faim. Ça n'empêche pas de trouver de quoi se saouler, de boire du genièvre à plein verre. Enfin, j'en appelle à mes vieux ouvriers, les bons travailleurs qui sont ici. Un tisserand qui connaît bien son affaire peut-il s'en tirer chez moi, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que je vous disais? Les affaires, vous savez, ne vont pas. Ça, vous le savez bien. Hein. Je perds de l'argent, moi, au lieu d'en gagner. J'ai là des milliers de ballots dont je ne sais pas si je pourrais jamais me débarrasser. Hein. Je vais essayer autant que je peux, pourtant, de fournir à ceux qui n'ont rien à faire l'occasion de gagner au moins quelques groschelles. Le risque que ça me fait courir, eh ben ça me regarde. Mais je me dis, ils vont encore mieux qu'un homme travaille le quart de sa journée que de ne rien faire du tout et de mourir tout à fait de faim. Est-ce que j'ai pas raison? Je suis donc disposé, vous entendez, à fournir encore du travail à 200 tisserands. Pfeiffer vous expliquera les conditions. Cher monsieur Dreissiger, je voudrais vous demander, vous faire une petite prière. Si peut-être vous pouviez, j'ai déjà eu deux attaques. Oui, ben parlez à Pfeiffer, ma bonne femme. Je suis déjà en retard. Moi. Mais monsieur Dreissiger, je suis vraiment obligé de réclamer. Monsieur Pfeiffer m'a donné. J'ai toujours eu 13 groschen pour mes pièces. Mais tenez, voilà l'expéditeur. Allez le trouver, c'est à lui qu'il faut vous adresser. Cher monsieur Dreissiger, si c'était un effet de votre bonté. Si peut-être vous voulez bien, ou peut-être Monsieur Pfeiffer voulait bien... Oui, mais si quoi, vous voulez... quoi, qu'est-ce que vous voulez? Une petite avance, parce que la dernière fois, je croyais, je pensais que... Oui, tout ça regarde Pfeiffer. Je peux pas m'occuper de tout, moi. Arrangez ça, oui, Pfeiffer. Et qu'est-ce qu'on paiera à la pièce, Monsieur Pfeiffer? La pièce tissée? Oui. 10 groschen. Encore aller. Qu'est-ce qu'on va devenir alors? C'est terrible, mais ça vaut mieux que rien. Hein. Tout de même, avec 5 enfants, tout qu'est si cher. La petite chambre du logeur Guillaume Anzorg. À Kaschbach, dans l'Eulengebirge. Pièce étroite, au plancher à moitié pourri, aux poutres enfumées. Deux jeunes filles, Emma et Bertha Baumert, sont assises à des métiers de tisserand. La mère Baumert est assise près du lit, un rouet devant elle. C'est l'heure du crépuscule. Encore des fils de cassé. Et vous allez encore faire des nœuds. Oh, avec du fil comme celui-là, il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu faisais peut-être aller la chaîne trop fort. Ou dont le père Petitette. Il est parti depuis 9 heures. Je sais pas. Où que c'est qu'il peut bien être? Faut pas se faire des misères pour ça. Écoute, Emma. Qu'est-ce qu'il y a? Il me semblait qu'il venait quelqu'un. Ça doit être Hansorg qui rentre. Ah, non, c'est Fritz. Mère, j'ai faim. Attends un peu, mon petit Fritz. Le grand-père va rentrer, il y aura du pain et du café. Mais j'ai tant faim, petite mère. Fais pas le saut. Puisque je te dis que grand-père va rentrer, et il y aura un beau petit pain pour toi et du café, entends-tu, tant qu'on voudra. Et puis on va s'amuser. Et puis maman prendra les plures de pommes de terre, on ira les porter chez le fermier pour payer une belle mesure de lait battu. Et ça sera pour le petit Fritz. Qu'il est parti, grand-père? Chez le fabricant, mon petit Fritz, pour livrer une chaîne. Chez le fabricant? Oui, chez le fabricant, chez Dreissiger, à Peterschwald. Et il donnera-t-il du pain, le fabricant? Oui. Et puis de l'argent, pour en acheter d'autres. En aura-t-il beaucoup d'argent, grand-père? Oh, tu m'embêtes avec tes questions. Fritz, va nous voir si Hansorg va pas bientôt allumer. On voit plus grand-chose. Donc il peut bien étaler votre père. Il sera entré chez Offen. Pourvu qu'il soit pas allé au cabaret. Oh, pleure donc pas, mère. Le père est pas un homme à ça. Oh, quoi qu'on deviendrait, nous autres, s'il fallait... S'il fallait qu'il se soit laissé entraîner. Il n'y a même pas une pincée de sel à la maison, pas un crouton de pain, pas un morceau de charbon. Ne pleure pas pour ça, mère. Le charbon, on le remplacera. Il fait clair de lune ce soir. Nous irons avec Fritz ramasser du bois mort dans la forêt. Oui, pour que le garde vous fasse un procès. Tiens, voilà Hansorg. Quoi que vous vouliez. Que vous allumiez la lampe. Mais il fait encore clair. Mais non, tu nous laisses toujours avoir goutte. Faut aussi que je voie un tiré d'affaire. Est-il assez ras encore? Faut attendre qu'il veuille bien. Seigneur Jésus, te voilà mon homme. Où que ça a pu rester comme ça si longtemps? On croirait que tu vas m'avaler. Laisse-moi prendre haleine au moins. Et regarde plutôt qui que c'est que je t'amène. Bonsoir, Tante Baumert. Qui est-ce que te revenu? Tu nous as donc pas encore oubliés. Assis-toi, mon gars. Bonsoir, Maurice. Tu vas donc voir encore de quoi il retourne chez le pauvre diable comme nous autres. Dis donc, Emma, je voulais pas le croire, mais t'es un petit gosse? Oui. Qui sera bientôt assez grand pour faire un fantassin? Où donc t'as déniché ça? T'as pas connu le tisserand Finger? Il logeait ici dans une petite chambre. Il voulait se marier avec elle, mais il s'en allait déjà de la poitrine. Ah, j'y ai pourtant assez dit à elle de pas se laisser faire, mais je t'en fiche. L'autre, maintenant, il est mort et enterré depuis longtemps. Et qu'elle se débrouille, elle, avec son petit. Mais toi, Maurice, quoi t'es devenu? Oh, t'inquiète pas, la mère. C'est un malin, Helga. Oh, il peut se fiche de nous, maintenant. Il porte des habits de prince. Il a une montre à cylindre. Oh. En argent. Et par-dessus le marché, 10 bons thalers de la bonne marque dans sa poche. Oui. Ouais. J'ai pas à me plaindre. J'ai pas été malheureux au régiment. Ouais. Il a été domestique chez son commandant. Oh, t'as qu'à l'écouter. Il parle comme les gens du beau monde. Je m'ai habitué à bien parler. Il y aurait plus moyen que je m'en défasse. Mais faut que tu me dises aussi, un propre à rien comme toi. Comment que t'as fait pour gagner tant d'argent? Enfin, y a pas à dire, t'avais jamais été bon à rien. T'étais seulement pas fichu de dérouler un écheveau. Ah oui. Toujours dehors, à poser des pièges à souris, à dénicher des rouges-gorges. T'aimais mieux ça, pas vrai? Ah, parbleu, oui, c'est bien vrai, oui. Eh ben, mais chez vous, tante Baumert, quoi qu'il s'est passé? Oh, Seigneur Jésus, ça a été ben de la misère tout depuis 4 ans. Je tiens plus debout. Et mes pauvres doigts, regarde-moi ça. C'est seulement pas ce que j'ai. Ah, vois-tu, il n'y a personne qui peut s'en faire une idée de tout ce que je souffre. Eh oui, ça va pas du tout. On en a sans doute plus pour longtemps. Oh. Le matin, faut qu'on y mette ses hardes, qu'on y retire le soir. Il faut y donner son manger, comme à un nourrisson. Oh. J'ai besoin qu'on m'aide, pour tout. Ah, c'est bien pire que si c'était une maladie. Je suis plus bonne à rien, ça, qu'à être à charge des autres. Je demande tout le temps au bon Dieu qu'il me fasse mourir. Seigneur Jésus, vraiment, il n'y a pas moyen d'y tenir. Quelle chienne de vie! Ça ne pourrait pas durer comme ça. Les paroles, c'est trop de misère. Dans les villes, les chiens vivent mieux que vous. Oh, n'est-ce pas? Tu le vois que ça ne peut pas durer. Mais si on dit ça aux gens, ils vous répondent que c'est seulement un mauvais temps à passer. Tiens, Maurice, bonjour, mon garçon. Te voilà revenu. Ben oui, Père Anzor. Bonjour. Comme te voilà beau. T'as presque l'air d'un marquis. Fais donc voir ta belle montre. Un costume tout neuf qu'il a. Et 10 bons thalers d'argent. Oui. Bon, ben je m'en vais porter les plures à la ferme. Eh ben, voyez, hein. En faisait-on assez de reproches pourtant? Attends un peu, qu'on me disait, tu verras quand tu seras soldat. Eh ben, j'ai été soldat. Et vous voyez que ça m'a réussi. Ah, ça, j'en ai vu de dur, faut le dire. Dans le métier, faut obéir. Et jamais rechigner pour la manœuvre. Hein. Et en avant marche, nom de Dieu, toute la sacrée boutique. Et au guet, comme un chien de garde. Je me disais toujours, mon garçon, il n'y a qu'une chose dont à quoi il faut toujours y faire de l'attention. Obéir. Adam, c'était dur. Mais à force de me fourrer ça dans la tête, un beau jour, devant tout l'escadron, le commandant s'est arrêté devant moi. Et qu'il a dit, ça, c'est un bon soldat, un vrai hussard. T'as eu de la chance. Faut espérer qu'il nous en passera un peu de sa chance. Oui. En attendant, buvons un coup. Oui, tiens, parle, Père Bauert. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Oh, la une noce. Ça sent le rôti ici. Et l'eau de vie. À la tienne, Maurice. Eh oui. Si on pouvait seulement avoir un rôti comme ça tous les jours de fête. Mais c'est pas souvent qu'on envoie de la viande. Non. Il faut qu'un chien vous passe entre les jambes, comme c'est arrivé il y a un mois. Ah, mais ça, c'est rare. T'as fait abattre ton petit chien. Il serait crevé de faim aussi. Ah, oui. Oh, il était si gentil, ce pauvre petit. Vous aimez donc le rôti de chien? Oh, Seigneur Jésus, si seulement on en avait toujours. Ah, c'est pourtant bien utile, un morceau de viande. Eh oui. Ça sent pas mauvais, hein? ça fera un bon plat. Ça sent la cannelle, comme qui dirait. Faut que tu nous dises ton opinion, Maurice. On t'a vu du pays, tu sais ce qui se passe dans le monde. Crois-tu qu'on finira par être plus heureux, nous autres, les tisserands? Faut bien l'espérer, bon Dieu. Alors on n'arrive ni à vivre ni à mourir. On se ronge le sang jusqu'à ce qu'on tombe. La misère nous mange tout. Dans le temps, quand on pouvait encore travailler au métier, c'était dur, mais on s'en tirait tout de même. Aujourd'hui, il n'y a plus de moyens et puis il n'y a plus d'ouvrage. Moi, je dis, il faudrait que quelqu'un aille à Berlin et qu'il dise au roi comment que ça se passe chez nous. Ça ne servirait bien à rien, Pierre Baumeurt. Ils en ont déjà parlé de tout ça dans les journaux. Mais les riches, voyez-vous, ça embrouille tout. Ça fait passer les meilleurs chrétiens pour des bandits. Ils ont pas de cœur à Berlin. Dit Maurice, c'est impossible. Ils n'ont pas de loi. Quand on travaille à se râper la peau de la main et qu'on peut tout même pas payer les intérêts de son emprunt, est-ce qu'on peut vous chasser? Non, je suis né ici, moi. Mon père a travaillé à ce métier ici plus de 40 ans. Il disait tout le temps, ma mère, si je viens mourir, il faudra tout de même garder la maison. Il l'a bien gagné, la maison. Chaque clou, tu vois, ici, il a fallu travailler toute une nuit pour avoir de quoi l'acheter. Chaque planche, ça a coûté un an de pain sec. Et il voudrait une fiche dehors. C'est des maudits, ceux qui vous prennent votre dernier pfennig. Oui, mais je m'en irai pas. Ils m'emporteront s'ils volent, mais moi, je m'en irai pas. J'aime mieux mourir. D'avoir dans le four, Bertha, il porte la soupe à Hansorg. Tenez, Pierre Hansorg, voilà à manger. Oui. Allez, un peu de patience donc, le père. Tripote pas dans la casserole, ça laisse Bertha servir la table. Deux ans que j'ai pas été communié. Après la dernière fois que j'y étais, j'ai vendu mon habit des dimanches. Avec ça, nous avons acheté un peu de viande de cochon. Mais je crois que depuis ce temps-là, jusqu'à ce soir, j'avais pu manger de viande. Et les fabricants se chargent d'en manger pour vous. Ils s'en foutent jusque-là. Et qu'allez voir ce qui se passe à Bilot et à Peterswald. S'ils s'en paient des rôtis et des douceurs. Ce qu'ils en ont, les équipages, des chevaux et des domestiques, et tout le diable et son train à ne pas savoir qu'en faire. Écoute, Maurice, t'es notre homme. Tu sais lire et écrire, tu connais notre situation et t'as pitié de nous. Et tu devrais prendre notre cause en main et te mettre à parler pour nous. S'il n'y a que ça à faire. Je voudrais aussi leur jouer un tour de cochon à ces animaux-là. Je suis pas méchant. Mais s'ils s'en montent à la tête, je prends le Dreissiger d'une main et le Dietrich de l'autre, je leur cogne leur sale caillou l'un contre l'autre. Jusqu'à ce que leurs yeux leur sortent de la tête. Si on pouvait s'entendre. On les ferait danser, tous ces moineaux-là. Pour le gouvernement. Attends voir. On n'aurait pas besoin qu'ils se mêlent de nos affaires. Nous n'avons qu'à dire nous-mêmes, nous voulons ça et ça. Et puis, nous le voulons. Bon Dieu, il faudra bien qu'on nous le donne. Quand ils verront qu'on monte les crocs, ils fileront doux. Je les connais, ces vilains bonzes. Des lâches. Oui, ça c'est vrai, ça. Moi non plus, je suis pas méchante. J'ai toujours dit qu'il en fallait des gens riches. Mais quand on voit ce qui se passe... Il y a des gens qui foutent rien, et qui nous exploitent toute l'année, et qui disent que c'est le bon Dieu qui veut ça. Et que les tisserands n'auraient qu'à pas être paresseux pour tirer d'affaires. Tonnerre de Dieu. Moi, c'est pas des hommes, c'est des bros. Il y a si longtemps qu'ils se font de la graisse. Moi et puis Becker le Rouge, nous avons bu un coup ensemble hier. Et avant de rentrer chez nous, Nous avons chanté la chanson du linceul. Oh, Seigneur Jésus, c'est-il la chanson qui est défendue? Oui, oui, je l'ai ici sur un papier. Tiens. Ah, la chanson du linceul. Attendez, je vais vous la lire. Oh, qui c'est qui l'a inventée? Oh, on ne sait pas. Personne ne le sait. Écoutez-la. Nous tous, qu'on appelle la canaille, nous sommes à bout, nous sommes fourbus, nous crevons, nous n'en pouvons plus. Vaut mieux que notre carcasse s'en aille. Avec nos filles et nos garçons, c'est notre linceul que nous tissons. Vaut mieux que notre carcasse s'en aille. Oh, celui qui a écrit ça, la mère, vois-tu, a dit la vérité. Oh, comment qu'a dit là, la chanson? C'est notre linceul. Oui, eh oui, c'est ça. Ah, ça nous sert juste à ça. C'est notre linceul que nous tissons. Notre maison et notre bagne. Les Dreissigers sont des geôliers. Mais nous tissons sur nos métiers ton linceul. Oh, vieille Allemagne. Avec nos filles et nos garçons, c'est ton linceul que nous tissons. Oh, c'est ça. C'est ton linceul. Vieille Allemagne. Oh, je vous le demande. C'est injuste, hein, tout ce qu'il y a. Voilà, moi, Guillaume Baumert, maître tisserand de Karlbach. Je peux me présenter et dire que j'étais un brave homme toute ma vie. Eh ben, regardez-moi, hein, qu'est-ce que ça m'a rapporté. Quelle figure que j'ai. Oh, oui, qu'ils ont fait de moi, hein. Ah, notre maison et notre bagne. Mais c'est ton linceul que nous tissons, vieille Allemagne. Ah, il faut que tu meurs, hein. Il faut que tu meurs. Oui, faut que ça change. Je le dis, que ça change tout de suite. Qu'il arrive ce qu'il veut. Il faut que ça change. Tout de suite. La salle de l'auberge à Peterswaldau. Le patron, Welzel, est au comptoir. Sa femme repasse près du feu. Anne, la jeune fille, est occupée à quelques tapisseries. Deux clients sont attablés, le menuisier Wigand et un commis voyageur que Welzer vient servir. Diable déchaîné aujourd'hui à Peterswald. Les autres fois, il n'y a pas tant de bruit que ça. Bah, ça pourrait bien être à cause des nouveaux, des 200 ouvriers qu'il veut engager. Ah oui, oui, ça doit être ça. Enfin, s'il en veut 200, il en aura bien sûr 600 qui seront venus. La mauvaise herbe, c'est pour ça qu'il manque. Ah, fichtre non. Ils sont pas prêts de s'éteindre. Ils ont beau être misérables, ils font toujours plus de gosses qu'il en faut pour la besogne qu'il y a à faire. Tiens, le l'enterrement qui passe. Ce tisserand neuf et chic est mort. Il a traîné assez longtemps, pauvre diable. Il n'avait plus que les os et la peau. Ah, vrai de vrai, j'ai jamais fait un si petit cercueil. Et le corps, il pesait pas 90 livres. Je n'y comprends rien. Les journaux sont toujours à parler de la misère des tisserands, à prétendre qu'ils meurent tous de faim, à raconter sur eux des histoires à faire frémir. Mais j'ai vu cet enterrement comme j'entrais dans le village. Un vrai enterrement de riches. Les écoles, les bannières, le pasteur, un tas d'assistants à croire que l'on enterrait un empereur chinois. Du moment que ces gens-là peuvent payer tout ça. Ah, combien vous avez raison, monsieur, pour ce qui est du rapport de ces enterrements. Et pourtant... Un Welzel peut le dire, hein. C'est pas un des plus grands. Mais où peuvent-ils bien trouver tout l'argent nécessaire? Oh, faites excuse, voyez-vous, mon digne monsieur. Mais il n'y aurait pas moyen de leur ôter ça de la tête. C'est comme qui dirait, pour ainsi dire, une idée à eux, qui se font des devoirs pour ce qui est du rapport des défunts. Si leurs parents sont décédés, ils demandent de l'argent partout dans les endroits qu'ils peuvent en demander. Eh bien, les héritages du mort, ils y passent dans tout leur entier. Moi, voyez-vous, mon digne monsieur, on peut dire que je ne suis pas porté pour le respect pour ce qui est des parents. Mais je trouve pas naturel qu'on se ruine comme ça, rapport à ce qu'ils sont décédés. Permettez, je trouve que le pasteur devrait intervenir, les dissuader. Oh, faites excuse, mon digne monsieur, faites excuse. il faut que je vous donne la révélation que dans chaque village, comme qui dirait, il y a une église. Et que tous les revenus que l'église, elle rapporte, ben, c'est le traitement, comme qui dirait, les moyens de vivre de messieurs du clergé. Bonjour, père Orniche. Bonjour, la compagnie. Y aurait-il moyen d'avoir un petit verre? Et puis, si vous aviez quelques vieux chiffons, mademoiselle Anna, j'ai là dans ma charrette de beaux colliers, des rubans pour les nattes, pour les chemises, des jarretières, des aiguilles, des épingles à cheveux, tout un trésor. Et je donne tout ça pour quelques vieux chiffons. Et c'est avec les chiffons, mademoiselle Anna, qu'on fait ce beau papier blanc. Sur quoi que vous pouvez écrire des petits billets doux. Oh, merci, je n'ai pas d'amoureux. Comme ça, la fille, elle ne veut pas entendre parler mariage. Ah, voilà qui est bien pensé, mademoiselle. Faites comme moi et topons-la. Vive les célibataires. Vous êtes mariée? Dieu m'en garde. Mais dites-moi sérieusement, vous n'avez pas un tout petit peu envie de tâter du mariage? Oh, pour ça. Il restera fille. Ou il faudrait qu'elle rencontre quelque chose de rare. Eh bien, qu'est-ce qui dit que ça n'arrivera pas? Le fabricant Dressinger n'a-t-il pas pris pour femme une fille de petite condition? Pas seulement moitié si jolie que vous, mademoiselle. Et maintenant, elle roule carrosse. Pourquoi pas vous aussi? Bonjour. Bonjour, père Baumer. Ah, belle père Hansorf. Il y a longtemps qu'on vous avait pas vu. Oui. Tu as vu la sortie de ton trou? Je suis retourné chercher de l'ouvrage. Il veut travailler à 10 gros chaînes la pièce. J'aurais jamais consenti, mais le métier de vanier, ça m'a pu. Allez, 10 gros chaînes. C'est toujours mieux que rien. Et puis ça fait toujours une occupation. Je suis en connaissance avec Dratzinger. Oui, il y a 8 jours, j'y ai posé des fenêtres. Ben, nous avons causé de ça ensemble. Il a bien de la bonté, hein, pour les tisserands. Oui. Voilà à boire, les amis. À votre santé, mademoiselle Anna. Je puis vous dire que dès mon entrée, la beauté de vos cheveux m'a frappé. Brillant et fin et fourni. Eh ben, c'est pour ça qu'on y a donné un si joli nom. Hein? Quel nom? Oh, ne l'écoutez pas. Même j'ai le blondinette, pas? Allez, en voilà assez. Vous y tourneriez la tête. Il y a déjà assez de papillons qui la travaillent. Elle veut déjà un comte. Demain, il lui faudra un prince. Dis pas de mal de notre fille, mon homme. Mais pas un mal, quoi, de vouloir s'élever. Tout le monde pense pas comme toi sans ça. Il y aurait personne qui bougerait. Et on resterait toujours le derrière sous sa chaise. Il y a le grand-père à Dreissiger. S'il avait dit comme toi, il serait encore un pauvre tisserand aujourd'hui. Tandis que le v'là riche comme des Crésus. Et le vieux Tronta aussi était qu'un pauvre tisserand. Et maintenant, il a 12 châteaux. Et le vlain noble, par le marché. Ah ben tout ça, c'est bien parlé, Vessel. Ta femme a raison. Je peux t'assurer. Si j'avais dit comme toi, j'aurais pas cet ouvrier à l'heure qu'il est. Ça? T'as bien mené ta barque, faut trop de justice. T'attends pas seulement qu'on soit mort pour vous faire un cercueil. Là. Quand on veut réussir, faut ouvrir l'œil. Va donc, croque-mort. Oh, on sait ce que c'est un sorcier qui jette des sorts. Eh ben, gare à toi, que je t'en jette pas un. Menuisier comme ça, c'est plus brut qu'un taureau. Comme si on savait pas toute la misère qu'il y a ici dans le village. Il y en a des spectacles. Pas drôle à voir. Couché tout nu, il est 4 ou 5 sur une seule paillasse. Permettez, mon brave homme. Tout le monde n'est pas de votre avis sur le degré de misère qui règne dans ces régions. Si vous pouviez non, lire... Non, mais je peux lire aussi bien que vous. Je lis aussi les feuilles, moi. Mais je peux bien savoir, peut-être, hein? Je fais assez de tournées chez les gens. Quand on a fait le trimard 40 années comme moi, on sait de quoi ils retournent. Les fouleurs. Savez-vous comment que ça se passait pour eux? Les gosses barbotés dans le fumier, avec les canards des voisins, cherchant quelque chose à manger. Mais tout ça a fini par mourir tout nu, sur des paillasses pourries. Après avoir essayé d'avaler jusqu'à des ordures pour pas crever de faim. Il y en a comme ça des centaines et des centaines. Mais si vous lisez les journaux, vous devez savoir aussi que le gouvernement a ordonné une enquête et que... Oh, on la connaît celle-là. Il vient un gros muscu envoyé par le gouvernement et qui sait déjà tout avant d'avoir rien eu. Il se promène un peu dans le village, sur la place, où est-ce qu'il y a les plus belles maisons. Mais il va pas plus loin. Il salira ses beaux souliers. Oui, il se dit comme ça, oh, bah, ça doit être partout comme ce que j'ai vu. Il remonte en voiture et fouette cocher. Puis il n'a qu'à faire son rapport à Berlin, comme quoi il n'y a pas seulement trace de misère. Bah, s'il avait été un peu plus courageux, qu'il ait été plus haut seulement, du côté des petites cabanes isolées, des petites bicoques si noires et si mal fichues qui valent seulement pas l'allumette pour y mettre le feu. Mais il n'aurait peut-être pas écrit les mêmes choses à Berlin. Il n'aurait plus qu'à venir me trouver, moi, les m'scus de Berlin, qui veulent pas croire qu'il y a de la disette ici. Alors on aurait montré, moi. Il n'y avait qu'à ouvrir les yeux. Les v'là qui rechantent leur chant du diable. Ils mettent tout le village sans dessus dessous. Pour sûr, il se passe quelque chose. Avec nos filles et nos garçons, c'est dans la seule que nous qui sommes. Avec nos filles et nos garçons, c'est dans la seule que nous qui sommes. Escalon! Repos! Et en place. Mais dis-le au Becker, que ça veut dire que vous voulez tous la toucher ensemble? Eh, ça voudra peut-être dire quelque chose, hein, c'est pas Maurice? Allons donc, là. Oh. Allez pas faire des bêtises. Ouais, le sang a déjà coulé. Ouais. Peux-tu voir? Oh. Tiens, regarde mes bras. Nous avons été nous faire vacciner chez le père Schmitt. Oh, ouais. Je comprends maintenant. Bah, c'est pas étonnant s'il y a tant de vacarme dans les rues. Quand il y a un tas de garnement comme vous, déchaîné. Allez, deux verres, Wenzel, tout de suite. Voilà. C'est moi qui paye. Tu te figurais que j'ai pas d'argent, hein? Tiens, écoute-le sonner. Si on voulait, on pourrait se payer de l'eau de vie et du café jusqu'à demain matin. Tout aussi bien qu'un commis voyageur. Oui. Est-ce de moi que vous voulez parler? Quand on se sent morveux, on se mouche. Permettez, jeune homme. Vous me paraissez tout à fait à votre affaire. Ah, j'ai pas à me plaindre. Je suis voyageur en confection, associé avec un fabricant. Plus le tisserand crève de faim, plus je m'engraisse. Ça, j'ai pas à me plaindre. Bien tapé, ça. Bien envoyé. Vive Maurice. Mais laissez donc, ce monsieur tranquille, il vous a rien fait. Ah ben, on n'y fait rien non plus. Notre maison et notre bagnole, les dressigueurs sont les geôliers. Chantez ça que vous voudrez, mais pas ici, je veux pas. Oh, il a raison. Ouais, mais il faut encore passer une fois devant chez Dressigueur. Et il chantait à lui, qui finisse par la savoir par cœur. Oui. Vous feriez mieux de pas le pousser à bout. Il pourrait vous en cuire. Chien qui aboie ne mord pas. Viens, mon vieux. Plus souvent que je vais aller avec des garnements comme vous. Alors, viens donc, bois avec nous. Oui. Pas du tout, garde ton schnapps. Ce que je bois, je le paye. Et de quoi qu'ils se nourrissent, les tisserands, hein? Choucroute assaisonnée de poux. Eh oui, mais ils s'en contenteront pas longtemps. Hein? Très bien. Comment que tu dis ça? Eh ben non, les enfants, c'est à crever de rire. Le vieux Bahomert, qui veut se révolter, là? Demain, ce sera les gosses, et puis les béquillards et les manchots. Oh, la parole! Oh, ce sera rien d'amusant. Ben, tu peux me croire si tu veux, Wittig. J'ai jamais changé d'opinion. Si tout le monde y mettait du sien, ça marcherait mieux. Mais qui que t'appelle donc y mettre du sien? Ah, tu te figures qu'il n'y a qu'à s'entendre? Est-ce qu'ils ont cherché à s'entendre en France? Est-ce que Robespierre faisait des flatteries aux riches? Dans ce temps-là, on menait les aristos à la lanterne. Et en avant la guillotine! Les oies ne tombent jamais toutes rôties dans le bec. Faut les faire cuire. Écoute un peu, Wittig. T'es toujours à parler de la Révolution française. T'en as toujours plein la bouche. Eh ben, il y aura peut-être bientôt une riche occasion de montrer ce qu'on peut faire. Si on n'est qu'un foutu blagueur ou un homme qui a du chien. Mais tais-toi donc, morveux! As-tu seulement jamais entendu siffler les balles? Y as-tu été aux avant-postes, dans un pays ennemi, Bon, te fâche donc pas. Nous sommes camarades. Je voulais pas te blesser. Ouais, t'es un camaraderie, je m'en fous. T'es qu'un rien du tout, un escompteur. La police, gendarme, les gars. Faudrait un petit verre. Eh ben, coach, t'arrives à propos ici, tiens. Bonjour, maître Vigand. Bonjour, coach. Ça va, les affaires? Pas mal, merci. Et pour nous autres, le patron a peur qu'on se gâte l'estomac à cause de tout l'argent qu'on touche. Oui, Valsel peut le dire. On s'est régalé de jambon et de choucroute. Ouais. Hein? Et de bon rôti, et avec des douceurs. Il reste plus qu'à boire du champagne. Ouais. Quand même que vous auriez encore du champagne et du bon rôti, vous seriez pas encore content. Je bois pas de champagne, mais je m'en porte pas plus mal. Oui, il s'est arrosé le pif avec de la bière et du schnapps, et c'est pour ça qu'il mûrit comme une tomate. Ah oh, bah ça trime tant, un gendarme, hein. Ah, il faut mener au clou les pauvres gobequins qui crèvent de faim, et puis des fois faire la cour à de jolies filles de tisserand. Ah, à moins qu'il ne soit retenu à flanquer une rossée à sa femme. Qu'à s'en sauve chez les voisins. Et puis faire des rondes à cheval, ensuite faire la grasse matinée, chaudement couché. Ouais. Ah, c'est pas commode tout ça. Ouais, bah cause toujours, mon bonhomme. Et pas peur, on te repincera. Bien longtemps qu'on te guette. On sait chez le gouverneur tous les mauvais discours que tu tiens. Et je connais quelqu'un qui est en train, à force de se saouler et de faire du désordre, de conduire sa femme et ses enfants à l'hospice. Et puis lui en prison. Oui, mon vieux, et pas peur, tu viendras. Ah, qui sait encore où que j'irai, alors? Oh! Ah, pour ce qu'elle est, où que tu dis, là, ça pourra être vrai tout de même. Hop! Mais si jamais ça arrive, je saurai d'où que ça vient. Qui c'est qui m'a mouchardé chez les fabricants et les autorités? Et qu'empêche qu'on me donne du travail? C'est bien aussi qui c'est qui a monté la tête aux paysans et aux meuniers contre moi? Qui m'amène pas leurs chevaux ferrés ou leurs roues à raccommoder? Ah, je le connais, celui-là. Ma sale bête. Je l'ai fichu une fois en bas de son cheval parce qu'il était en train de rosser à coups de cravache un pauvre malheureux gosse qui avait ramassé quelques poires vertes sous un arbre, oui. Eh ben, je peux te dire une chose. Tu me connais, hein? Eh ben, si jamais tu viens me chercher pour m'emmener en prison, tu peux faire ton testament avant. Là que j'entends dire un mot, je prends la première chose qui me tombe sous la main, un fer à cheval ou un marteau ou un seau ou un bâton de rouille, et quand je devrais aller te chercher jusque dans ton lit, t'arracher de ta côté de ta garce, j'irai t'écrabouiller la gueule. Aussi vrai que je m'appelle Vicky. Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je te parle pas à toi. Je parle aux autres qui sont là. Je t'ai rien fait, je me fous de toi, hein. Mais vous autres, hein, voilà ce que j'ai à vous dire. Le commissaire a défendu qu'on recommence à chanter la chanson. Vous savez ce que je veux dire? Et si on l'entend encore chanter dans les rues, on verra moyen de vous mettre à l'abri. Et là, vous la chanterez, tant que vous voudrez. Rien nous défend. Et si ça nous plaît de chanter à faire tomber les vitres, et qu'on nous entende jusqu'à Reichenbach, et si nous voulons chanter si fort que les maisons des fabricants leur croulent sur la tête, et fasse une marmelade de tous les employés, ça nous regarde. Ouais. Personne n'a rien à y voir. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. On appelle la canaille, nous sommes à vous, nous sommes pour vous, nous crampons, nous n'approuvons plus. Vaut mieux que l'on carcasse en aille, avec nos filles et nos garçons, c'est notre façon que nous disons, avec nos filles et nos garçons. Ils sont un peu lancés aujourd'hui. Ou un peu, bon Marthe. Quoi qu'ils vont faire? Ils veulent aller chez Derek Seeger et demander une augmentation. Est-ce que t'en es, toi, de toutes ces bêtises-là? Ben, Angèle, moi, je sais pas. Les jeunes, ça va de l'avant. Et quand on est vieux, faut les suivre. Hein? Ça m'étonnerait qu'il n'arrive pas quelque malheur. Même les vieux qui s'en mettent. Hein? Et tout le monde a comme ça quelque chose et quelque désir en tête. Le cabinet particulier du fabricant Dreissiger à Peterswaldau. On aperçoit au fond dans le salon Madame Dreissiger et Madame Kittelhaus occupées à regarder des tableaux. Entre le pasteur Kittelhaus en conversation avec Weinhold, le précepteur des enfants Dreissiger. Mais il n'y a rien là d'extraordinaire, mon cher monsieur. Vous êtes jeune. Quand on a prêché pendant longtemps, on finit par devenir plus tranquille. Rappelez-vous ce que je vous dis, mon cher ami, si vous êtes tenté de laisser aller les choses un peu trop loin. Mais, permettez-moi de vous faire observer, monsieur le pasteur. Je ne sais pas, mais enfin, il y a cependant des natures très différentes. Oui, oui, mon bon ami. Vous pouvez être un esprit un peu exalté, et vous l'êtes. Vous pouvez même vous montrer violent en face des circonstances actuelles. Mais où tout ça nous mène-t-il? La misère de nos tisserands, là où il y en a, n'en est pas adoucie. Tout ça ne peut que troubler la société. Non, voyez-vous, que chacun se met le don de ce qu'il regarde. Mais je voudrais bien savoir où a pu disparaître notre cher hôte. Et si je ne me trompe, il doit se passer quelque chose en bas. Eh bien, Rosa, le café est-il servi? Pourquoi que tu t'en vas toujours? Ah, si tu savais. Oh, pardonnez-moi, monsieur Dressinger, est-ce que vous avez eu quelque ennui? Ah, ben, j'en ai tous les jours que Dieu fait, cher monsieur le pasteur, j'y suis habitué. Mais voyons, allons commencer notre vie. Mais oui, mais oui. Soquez donc tous vos ennuis et soyons tous au plaisir d'être ensemble. Oui, encore une bande. Viens voir, Rosa, viens voir. Oui. Dis-moi, ce grand-là aux cheveux roux. Mais c'est l'homme qu'on appelle Becker le Roux. N'est-ce pas celui qui t'a insulté il y a deux jours? Ah, tu te rappelles bien, tu te rappelles ce que tu m'as raconté au moment où Jean t'aidait à monter en voiture. Bah, je sais plus. Bah, tâche de te le rappeler. Ah, ça, moi, il faut que je le sache. On est assez de toutes ces insolences. Et si c'est celui-là, je prétends qu'il soit châtié. Tenez, écoutez-les. Oh, vraiment, est-ce que ça finira pas? Je suis obligé d'en convenir. Il faut que la police intervienne. Permettez que je voie. Oh, mais regardez donc, monsieur Vainol. Il n'y a pas que des jeunes gens, il y a aussi là en masse des hommes mûrs. Enfin, est-ce que vous allez encore prendre le parti de ces gens-là, monsieur Vainol? Mais certainement non, monsieur le pasteur. C'est-à-dire, ce sont de pauvres gens affamés, ignorants. Ils témoignent de leur mécontentement comme ils peuvent. Il ne faut pas attendre de ces gens-là que... Monsieur le précepteur, j'ai le regret de vous dire que je ne vous ai pas pris chez moi pour que vous y fassiez des conférences humanitaires. Je vous prie de vous en tenir à l'éducation de mes enfants et de me laisser m'occuper moi seul de ce qui me regarde seul. Vous comprenez? Certainement, monsieur Dreissiger, certainement. Je prévoyais bien ce qui arriverait. Et cela se trouve d'ailleurs conforme à mon désir. Je vous salue. Alors, monsieur, quittez-nous le plus tôt possible, hein? Nous aurons besoin de votre chance. Voyons, Guillaume. Oh, mais enfin, perds tout l'esprit. Tu veux te mettre à défendre un homme qui cherche à excuser les abominations et des horreurs comme cette ignoble chanson? Mais mon chéri, il ne l'a pas vraiment excusé. Enfin, voyons, monsieur le pasteur. Oui ou non, a-t-il pris la défense de ces brutes? Oh, monsieur Dreissiger, il faut le lui pardonner à cause de sa jeunesse. Ah, ça, j'y comprends rien, moi. Ce garçon-là est pourtant d'une bonne et honorable famille. Son père a été employé 40 ans et il n'y a rien eu à dire sur lui. La mère était si heureuse qu'il lui trouvait un bon emploi chez nous. Et maintenant, voilà qu'il ne sait même pas en profiter. Monsieur Dreissiger, ils en ont arrêté un, il faudrait venir. Oui, est-on allé prévenir la police? Monsieur le commissaire monte déjà l'escalier. Monsieur Dreissiger, votre dévoué serviteur, monsieur le commissaire. Ah, je suis content que vous soyez venu. Monsieur le commissaire, j'ai enfin fait arrêter un des principaux meneurs par mes ouvriers teinturiers. Ah, ah oui, je ne pouvais pas supporter plus longtemps leur insolence. Si de braves gens, comme ma famille et moi, devaient rester exposés aux injures aux mauvais coups de ces drôles, vraiment, ça serait à désespérer de tout. Mais certainement non, monsieur Dreissiger. Reposez-vous-en sur moi. Oui. Il faut en finir, en effet. Et il y a ici quelques mauvais garnements que je guette depuis longtemps. Ben, des gamins encore, de vilains drôles, qui ont peur du travail et ne veulent rien faire, des débauchés qui passent leur vie au cabaret. Mais je suis résolu à en finir avec toute cette vermine. Et c'est autant dans l'intérêt de tout le monde que dans mon propre intérêt. Évidemment, monsieur Dreissiger, évidemment. Personne ne peut le trouver mauvais. Et autant qu'il dépendra de moi... On devrait mener tout ça à la baïonnette. Parfaitement, on fera un exemple. Eh bien, coach. Monsieur le commissaire, pour avoir le respect de vous le dire, nous avons arrêté un homme. Voulez-vous voir cet homme, monsieur le commissaire? Mais certainement. Nous allons l'interroger, le serrer de près. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai satisfaction fois de haine. Oui, mais ce que vous dites là ne peut pas me suffire. Il faut que cet homme passe en jugement. Tant gredin! Il s'agit des ouvriers, ça prétend être des camarades. Mais plutôt que de trahir comme ça des compagnons, j'aimerais mieux me couper la main. Bas la casquette, pour rien. Comment t'appelles-tu? Eh ben, dis donc. Est-ce que nous avons gardé les cochons ensemble? Oh! Oh! Une telle impudence! Rustre! Tu n'es pas dans une écurie, ici, tu comprends? Encore une fois, ton nom! Il s'appelle Jaeger, monsieur le commissaire. Maurice Jaeger, n'est-ce pas? Maurice Jaeger, est-ce que tu ne me connais plus? Vous êtes, monsieur le pasteur Kittlehouse. Oui, ton pasteur Jaeger, ton père spirituel. Voyons, tu ne te rappelles pas? Je me suis dévoué à t'enseigner la parole divine. Est-ce là ta reconnaissance? Je vous ai payé. Je vous ai donné de l'argent. Un thaler. En voilà une sottise! Mais voyons, je vois un homme honnête, un bon chrétien. Pense au serment que tu as fait. Observe les divins commandements. Sois bon et pieux. Je suis devenu Quaker, monsieur le pasteur. Je crois plus à rien. Quaker? Ha! Mais ne dis pas des mots que tu ne comprends pas. D'abord, ce sont des gens pieux, ceux-là. Et non pas des païens comme toi. Quaker! Avec votre permission, monsieur le pasteur. Coach! Liez-lui les mains! Enfin, qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça veut encore dire? Ah! Je comprends! Ils veulent qu'on leur rende le coquin! Mais je ne leur ferai pas ce plaisir. C'est compris, coach? À la prison! Ah ben, sauf votre respect, monsieur le commissaire, ce sera peut-être pas commode. Il y a là toute la maudite bande, des vrais démons lâchés, monsieur le commissaire. Il y a le Baker, il y a le forgeron. Non, permettez, monsieur le commissaire, pour ne pas envenimer les choses, ne serait-il pas mieux d'essayer de la persuasion? Peut-être que Jaeger consentirait de lui-même à vous suivre, ou même... Et y pensez-vous? Et ma responsabilité? Allons, coach! Liez-lui les mains et vivement! Allez, serre, mon vieux. Serre bien! Encore plus fort, toujours! Allons! Ça va pas être pour longtemps. Maintenant, en avant-marche! Monsieur Dreisiger, si vous avez des inquiétudes, faites-nous accompagner par 6 de vos teinturiers. Ils le mettront au milieu d'eux. Je marcherai en avant. Coach suivra. Et si quelqu'un fait signe de nous barrer le passage, on le sabrera. Canaille! Je vais vous faire crier, moi! Attendez! En avant, marche! Madame Dreisiger a beau se pavaner, faire la fière! Elle n'est pas plus que nous! Mon père y a servi assez souvent pour 3 phénix de vie! Allez, allez! Compagnie par le flanc gauche! Marche! Qu'en pensez-vous, monsieur le pasteur? Allons-nous faire notre huit? Je pense qu'il n'y a plus d'obstacle. Maintenant, je commence à trouver l'aventure comique. Cet individu. Oh, non, c'est cependant tout à fait ridicule. Cette discussion à table avec le précepteur, et 5 minutes après, il donne sa démission. Et le voilà parti à tous les diables. Puis, cette affaire-ci. Enfin, allez, allons faire notre route. Oui, mais... Vous entendez ces gens? Ils font un bruit effroyable. Oui, passons dans l'autre pièce, rien ne nous y troublera. Oh, si seulement on savait ce qu'ils ont en tête. Ce que disait Weinhold jusqu'ici, c'était aussi mon avis, que ces tisserands étaient une race de travailleurs patients, très humbles et faciles à diriger. Ne le pensiez-vous pas aussi, monsieur Dreisiger? Oui, bien sûr, oui, ils étaient patients et dociles, c'étaient des gens honnêtes et de bonne mœur, jusqu'au jour où les prêcheurs d'humanitarisme s'en sont mêlés. Oh, oui. Avec toutes leurs idées humanitaires, ils n'ont réussi qu'à faire des loups enragés de ces gens qui étaient doux comme des agneaux. Il n'est pas possible que des événements de cette sorte passent inaperçus dans les cercles dirigeants. Et on se rendra compte alors qu'on ne... ça ne peut pas durer, qu'il faut intervenir, si on ne veut pas ruiner sans ressources notre industrie locale. Oui, mais enfin, quoi peut tenir ce recul en arrière, le savez-vous? Les pays étrangers sont barricadés contre nous par des tarifs de douane qui dépassent la raison. Tous les meilleurs marchés nous sont fermés, et la concurrence à l'intérieur nous ruine. Ça me sacrifier, quoi! Complètement sacrifier! Monsieur Dreisiger! Voyons, qu'est-ce qu'il y a encore? Ils ont livré Maurice Jaeger! Oh, c'est le commissaire, ils l'ont chassé! Et le gendarme aussi! Mais vous perdez la tête! Mais enfin, ce serait une révolution! Oh, monsieur Dreisiger! Ça se corse! Ça devient sérieux, monsieur Dreisiger! Il faut mettre en sûreté toute la police! Ça devient sérieux! Fichez-nous la paix! Mais c'est révoltant, Guillaume! Voilà toute notre belle soirée gâtée! Vois-tu pas, même Kittlehouse qui veut s'en retourner chez elle! Oh, chère et bonne madame Dreisiger, c'est peut-être en effet maintenant ce qu'il y aurait de mieux à faire. Mais Guillaume, il suffirait peut-être que t'ailles leur dire sérieusement que... Vas-y! Voyons, je suis un tyran? Je suis un écorcheur d'hommes. Madame, je viens d'atteler. Monsieur le précepteur a déjà fait mettre dans la voiture le petit Georges et le petit Charles. Et si ça se gâte, il faut filer. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se gâte? Ah, je sais pas, moi, je disais, il y a toujours de plus en plus de gens qui s'amassent là à crier. Et ils viennent de chasser le commissaire avec un gendarme. Oh, ça devient sérieux, monsieur Dreisiger. Ça devient sérieux. Mais tais-toi donc, imbécile. A-t-on verrouillé les portes? Hein? Les portes. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils désirent au juste, ces gens? Ben, ils voudraient une augmentation de salaire, les imbéciles. Bien. Je vais sortir et faire mon devoir, leur parler sérieusement. Oh, non, monsieur le pasteur, faites pas ça. Tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est... Cher monsieur Dreisiger, plus qu'un mot. Je vous en prie, mettez des gens derrière la porte et qu'on referme sur moi tout de suite. Non, vraiment, Joseph, tu veux... Je ferai comme si je retournais tranquillement à la maison. Je verrai bien si mon caractère de prêtre, si ces gens-là ont encore du respect pour moi. Je verrai. Allons, et que Dieu me protège. Chère madame Dreisiger, pourvu qu'il ne m'arrive pas malheur. Oh, je sais pas, même qui te lance. Je comprends plus. Je sais plus où j'en suis. Enfin, c'est pas possible. Alors c'est comme si que ça serait qu'un crime d'être riche. Ah, si quelqu'un m'avait dit ça, je sais pas, mais il me semble que j'aurais mieux aimé rester pauvre comme j'étais. Chère madame Dreisiger, dans toutes les conditions, on a des chagrins et des déceptions. Eh ben voilà, c'est ce que je pensais. Et de ce qu'on possède un peu plus que d'autres gens. Oh, Seigneur Jésus, on l'a pourtant pas volé. Ça a été gagné sou par sou, honnêtement. Alors, c'est pas possible qu'on se mette comme ça contre nous. C'est-il de la faute à mon homme si les affaires vont pas? Rosa, prends ton manteau et cours à la voiture, je te suis. Ah, tout est prêt, mais faut se dépêcher, avant que la porte derrière soit occupée. Ah, Jean, mon cher Jean, il faut nous sauver de là, mon cher Jean. Sauve mes petits. Oh, mon Dieu. Mais sois donc raisonnable, et lâche ton Jean. Madame, vous pouvez être tranquille. Les chevaux sont en bon état, il n'y aura pas moyen de les arrêter. Et les ceux qui voudront quand même essayer, on leur dit pas. Mais mon mari, monsieur Dreisiger. Soyez tranquille, madame. Il a aucun mal, soyez tranquille. Oh si, je sens qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais vous ne voulez pas me le dire. Non, vous ne voulez pas me le dire. Soyez tranquille, ils me le paieront cher. J'ai vu et bien vu ce qui en était. Et je vous garantis qu'on ne les laissera pas comme ça sans vengeance. Ah non, ça... Maltraiter ainsi son pasteur de tépettes venimeuses, rien de plus, enragé, et qu'il faut traiter comme elle le mérite. Mais va donc, toi, dépêche-toi. Tu n'entends pas, ils ont perdu la tête. Ah, bah, y a plus rien à faire qu'à sauver, tout de suite. Il demande que fait faire ça. Monsieur Dreisiger, il y a déjà des gens à la porte de derrière. Et la porte d'entrée tiendra pas 3 minutes. Y a Whitting le forgeron qui cogne avec un chaud cerclé de fer, comme un enragé. Oh, monsieur Dreisiger. Oh, cher monsieur Dreisiger. Oh, mon bon monsieur. Mais mon bon monsieur. Ne me laissez pas ici. Oh, s'ils me trouvent, bien sûr qu'ils feront mon affaire. Oh, Seigneur Dieu. Oh, ma femme. Mais lâchez-moi, monsieur Dreisiger. Lâche-moi, imbécile. Tout ça s'arrangera. Lâchez-moi. Qu'il est passé? Ouais! Où qu'il est, suceur de sang? Ah, tu nous as mangé de l'herbe! On te fera manger des copeaux! On l'attrape! On le pend! On le pend par la peau du cul! Et le fout par la fenêtre! Il se casse la gueule sur le pavé! Oui, mais il a filé! Il est loin maintenant! Qui ça? Dreisiger! Et aussi Pfeiffer! Cherche son Pfeiffer! Bien, c'est l'autre qui nous écrase! Faut y faire son affaire! Halte! Écoutez un peu! Si t'en finis aussi, ça fera commencer, écoutez! D'ici, faut monter à Bielau, chez Dietrich! Je suis qu'à des métiers mécaniques! Toute la misère vient de ces machines-là! C'est qui bien, moi? Le tisserand Antoine Ensorgue? Suis-tu devenu fou? C'est vrai, tout me tourne. Quoi qu'on fait ici? Ha ha! Il y a de quoi rire, mon vieux Ensorgue! Oui, on se foutait de nous. Mais faut qu'on file le dos maintenant. À bas les pattes, bas les mains. Et qui me prend ma petite maison, j'y prends la sienne. À Langerbilhau. La petite chambre atelier du vieil Hills. Dans la pièce misérable, on aperçoit le vieil Hills et sa femme, leur fils Gottlieb et sa femme Louise. Louise, où est la petite? À Peterschwal, chez Dreissiger. Elle a encore préparé quelques bobines hier soir. Maintenant, mère, je vais t'apporter le rouet. Oh oui, mon vieux, apporte. Ah, là bien que t'aies pas besoin de travailler comme ça. Ben, mon vieux, on s'embêterait à rien faire. Oui. Je vais t'essuyer un peu les doigts. Oui. Qu'il ne graisse pas le fil. Comme si que nous aurions mangé quelque chose de gras. À défaut de viande, on mange du pain sec. Si on n'a pas de pain sec, des pommes de terre. Et si on n'a pas de pommes de terre, du trèfle séché. Ouais, et quand il n'y a pas de farine noire, faut faire comme les voisins Wendler. Aller voir où que les carisseurs ont enterré un cheval crevé pour le déterrer. Et vivre quelques semaines de cette charogne, hein, pas? On fera comme ça. Bonjour. Bonjour, Orny. Bonjour, Orny. Eh ben, quoi que tu dis de bon? Oh, une belle nouvelle, maître. Ceux de Peterschwald, ils ont enfin tenté le corbe. Il fait fiche le camp au Dreissiger et à toute sa bande. Là encore Orné qui raconte des mensonges. Mais pas du tout, pas du tout, jeune femme, je dis la vérité. Oui, je dis rien que la vérité. Ah oui, qu'ils l'ont bien chassé. Hier soir, il s'est sauvé jusqu'à Reichenbach. Oh là là là, on n'a pas voulu lui nulle part, à cause qu'on avait peur des tisserands. Il a fallu refiler du côté de Schweitzlist. Mais non, voilà, c'est une blague, pas vrai? Que je sois pendu si je dis pas vrai. Je te jure que tout ça est aussi vrai que... qu'emmène à l'église, là. Oh, je l'ai vu. J'ai tout vu moi-même, de mes propres yeux. Comme je te vois là, Gottlieb. Ils ont démoli sa maison au fabricant, de la cave au grenier, et tout cassé, tout démoli, tout jeté par la fenêtre, et brisé, envoyé au diable. Et puis ils ont mis le feu à tout le reste. Plus rien dans les greniers, dans la teinturerie, nulle part. Ah, pire qu'en temps de guerre. Et c'est des tisserands d'ici qui auraient fait ça? Pas possible. Ben oui, mais oui, ben qui que ce serait? Je peux te les nommer tous par leur nom. J'ai conduit le gouverneur dans la maison. Et j'ai causé avec beaucoup. T'aurais conduit le gouverneur à travers la maison? Eh ben quoi? Mais j'ai rien à craindre d'être personne. Je suis connu comme un loup blanc. J'ai jamais eu d'affaires. Je suis bien avec tout le monde. Et aussi vrai que je m'appelle Ornig, aussi vrai j'y ai été. Et vous pouvez me croire. J'ai été pris de pitié. Et le gouverneur aussi, je voyais ça, il en était pas loin. Et voyez-vous, on n'entendait même pas un mot. Tout ça se faisait en silence. C'était quasiment solennel de voir tous ces pauvres gens crevant de faim et qui se vengeaient comme ça, sans rien dire. C'est trop juste! Fallait que ça finisse comme ça! Et comment ça aurait-il pu venir, tout ça? Eh ben voilà, il paraît que Dreissiger aurait dit que les tisserands n'ont qu'à manger de l'herbe s'ils veulent pas crever de faim. J'ai pas autre chose. Eh ben, écoute, Arnie, tu me connais. Tu peux me dire à moi, Père Hills, faut mourir demain? Eh ben oui, que je dirais. Pourquoi pas? Tu peux me dire, Périls, demain t'auras la visite du roi de Prusse. Mais que des tisserands, des hommes comme moi et mon garçon, qu'ils aient fait des choses comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça jamais j'y croirais. Dites-mère, regardons ce que j'ai. Oh, tu m'achèteras une robe avec ça. Mais, quoi que tu chantes là? Qu'est-ce que t'apportes comme ça? Oui. Oh, t'étais traînée, t'as pas livré tes bobines? Oh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dis-moi, fillette. Faut que t'ailles cette cuillère. C'est qu'elle l'aura trouvée. À vos bains, c'est deux ou trois thalers. Veux-tu filer, gamine? Et filer vite, et plus vite, si tu veux pas que je prenne un bâton. Et rapporter la cuillère où tu l'as prise. Est-ce que tu veux faire des voleurs de nous autres? Je t'apprendrai, attends. Oh non, grand-père, non, il faut pas me battre. Oh, je t'assure que c'est vrai. Je l'ai trouvée. Tous les enfants qui portaient des bobines en ont des pareils. Et là, vous voyez bien qu'elle l'avait trouvée. Mais où l'as-tu trouvée? Oh, ben c'est à Peterschwald qu'on a ramassé dans la maison à Dreissiger. Quelle aventure! Je vais te dire quelque chose, Périls. Il faudrait que Gottlieb mette son paletot, qu'il prenne la cuillère et qu'il aille la reporter au commissariat. C'est juste. Va mettre ton paletot, Gottlieb. Oui, oui, c'est ça. Je vais aller chez le commissaire et j'y dirai qu'il faut pas qu'il voie du mal à ça. Qu'une gamine comme ça pouvait pas savoir ce qu'elle faisait. Et je lui redonnerai la cuillère. Allons, pleure pas, petite, pleure pas. Ah, oui. Elle vaut bien ces trois talers. Donne aussi un linge, Louise, qu'elle ne s'abîme pas. Une petite machine qui coûte si cher. Si c'était à nous, on pourrait en vivre plusieurs semaines. Je conseillais de dire quelque chose. Manquerait pas que ça. Qu'elle disparaisse, cette cuillère du diable. Que je la voie plus. Attends, je pars avec toi, Gottlieb, là. Allez, au revoir tous. Bonjour, vous autres. Bonjour, docteur. Bonjour. Il faut que je revoie comment que ça va chez vous. Quoi qu'elle a la petite mère. Monsieur le docteur, son œil s'est desséché. Elle voit plus du tout. Oui, c'est la faute à la poussière et au travail de nuit. Mais dites donc, comprenez-vous ça? Tout Peterschwald est sur pied et marche par ici. Figurez-vous, ce matin, je monte dans ma voiture sans penser à mal. Je m'en vais tranquillement pour faire ma tournée. Et voilà que j'apprends des choses étonnantes. Mais que diable peut-il leur être passé par la tête? Ils sont en rage comme une bande de loups. Ils se mettent en révolution. Ils vont tous saccager. Écoutez, on sonne le tocsin à Reichenbach. C'est la fin du monde. Quelle abomination. Mais ils viennent donc vraiment sur Biolo? Oui, j'ai passé à travers eux, à travers toute la bande. Avant 5 minutes, ils seront ici. Je vous laisse et faites pas de bêtises. Car on sera pas long à envoyer de la troupe contre eux. Gardez votre sang-froid. Ceux de Peterschwald ont perdu la tête. Mais bon Dieu, voilà nos cloches qui sonnent aussi. Faut qu'ils soient devenus complètement fous. Je les ai vus. Je les ai vus. Ils sont là. Ils sont là, père. Ils sont là. Ils ont des perches et des piques et des haches. Ils sont déjà chez Dietrich à faire les 400 coups. Oh Seigneur Jésus, mais quoi qu'il va arriver, j'ose pas y penser. Tant de gens, ils tendent. Pourquoi que t'as couru comme ça? Tu finiras par rattraper ton ancienne maladie qui te mettra sur le dos à rien pouvoir faire et à souffrir. Il fallait que je cours. Sans ça, ils m'auraient retenu. Ils m'appelaient. Ils voulaient que je leur tende la main. Mon parrain Bobert était avec eux. Il va venir d'autres temps, qu'il a dit. Et ça marchera plus du tout pareil pour les tisserands. Il faut qu'on s'unisse tous et qu'on aide à tout changer. À partir d'aujourd'hui, que nous ayons notre 1000 litres de viande tous les dimanches et tous les jours de fête de la saucisse et de la choucroute. Parce que tout va changer, qu'il m'a dit. Il a dit ça, ton parrain. Et il veut faire des choses maudites comme ça. Te laisse pas entraîner, Gottlieb. La main du diable là-dessous. Oui, oui, Gottlieb. Chauffe-toi les mollets derrière le poil. Tiens, prends une cuillère dans ta main et une écuelle de lait battue sur tes genoux. Laisse-toi mettre une bavette et marmotte ton orignus. Son père t'aime comme ça. Et ça se dit un homme, Et toi, tu prétends être une femme comme il faut. Eh ben, je vais te dire quelque chose, moi. On peut pas être une bonne mère quand on dit des horreurs comme t'en dis. Comment que tu veux faire la leçon à ta fille après que t'as excité ton homme à des abominations? Avec tous vos discours bigots, tiens. C'est ça qui m'a empêché d'élever mes enfants. Tous les quatre sont restés à se languir là de misère, pas même de quoi les couvrir. J'avais même pas pensé pour eux. Et c'est parce que je veux être une bonne mère, entendez-vous? Oui, c'est pour ça que je souhaite aux fabricants la peste et tous les malheurs, ça. Quel mal qu'ils avaient fait, mes petits, là, pour être condamnés comme ça, pendant que là-haut, chez Dietrich, on lave ses gosses dans du vin et dans du lait. Non, je vous le dis, moi, si la danse commence ici, c'est pas 10 chevaux qui pourraient m'arrêter. Je rincerai. Et si on se rue chez Dietrich, je serai la première en tête. Et malheur à celui qui voudrait m'arrêter, hein, car j'en ai assez, moi, j'en ai assez. T'es tout à fait corrompu. Y a pas de remède. C'est pour vous, tiens, qu'il n'y a pas de remède. Vous êtes des pleutres, des chiffres molles, mais pas des hommes. Vous dites des bénédictions à qui vous crache au visage, et 3 fois merci à qui vous recoude. Vous n'avez pas de sang dans les veines. Rien vous fait plus, rien. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Quoi qu'il y a donc avec Louise, père? Non, rien du tout, petite mère. Quoi que tu veux qu'il y aille. Dis-moi donc, père, c'est-il que je me figure ou bien que les cloches sonnent? Oui, ça doit être un enterrement. Ah, pourquoi que c'est pas mon tour? Pourquoi que je peux pas venir à bout de mourir? Allez, allez, tout le monde dort. Non, non, mes enfants, dansez tant que vous voudrez. Moi, je reste tranquille ici. Moi aussi, je vais travailler. Arrive que pourra. Tiens, tiens, là, le père Ornick. Je reviens pour tout voir d'ici, là. Hein? C'est un vrai spectacle. On voit pas ça tous les jours. Ah, ils en ont fait du beau. Mais chez Dietrich, il n'y a plus de maison, plus de fabrique, plus de cave, rien. Maintenant, ils vont faire son affaire à l'autre Dietrich. Et c'est la fabrique qu'il leur faut. Et démolir tous les métiers mécaniques qui ont été la cause et de la ruine de tant d'ouvriers. Voilà. Ça, tout le monde peut le dire. Et puis, ils sont déchaînés maintenant. Il n'y a plus rien qui fasse. Ni gouverneur, ni commissaire, ni pancarte où il y avait de belles promesses. Quand on les a vus à la besogne, on sait ce qu'ils peuvent faire. Voilà, Péril, ça c'est fini de travailler. Il y a assez longtemps que vous trimez au métier, hein. Faut laisser ça maintenant à ceux que s'amusent. Vous avez plus besoin de vous tourmenter, on prendra soin de vous. Vous n'irez plus une seule fois vous coucher le ventre vide. À partir d'aujourd'hui, faut que les tisserands aient une maison pour dormir et des habits à se mettre sur le dos. Ouais. Mais d'où diable est-ce que vous venez donc avec tous ces bâtons et toutes ces haches? C'est pour casser la tête à tous les Dietrich. Allez, viens avec nous. Frères, maintenant, on est des frères. Ouais. Que je vous presse sur mon cœur. Allez, laisse-moi tranquille. Alors, voyons, voyons, Gustave, faut que l'homme soit heureux. Oh, devine un peu ce que j'ai dans le ventre. Eh ben, mon vieux, dans ce que peut-être là, il y a de la nourriture et de prince. Oh, faut que l'homme soit heureux, qui mange du lièvre, qui boive du champagne. Et je vais vous dire une chose, hein. Faut prendre tout ce qu'on peut. Oui, faut prendre tout ce qu'on peut, parfaitement. Et on a commencé à se rassasier de bons morceaux. Ah, ça se sent tout de suite, mon Dieu, on devient fort comme un cheval. Y a plus rien qui vous arrête. On peut cogner partout, et mon Dieu, ça fait du bien de cogner. Nous avons fait des bons coups. Oui, filons à Reisenbach. Il y a encore des maisons de riches où qu'il faut foutre le feu. Ça lui fera toucher de grosses assurances contre l'incendie. Et de là, on ira à Freiburg, chez le contrat. Oui, faut faire aussi la leçon aux fonctionnaires, aux bureaucrates. J'ai lu dans les journaux que c'était eux, la cause de tout le mal. Ah, bien sûr. Puis on ira jusqu'à Breslau. On trouvera du renfort en route. Ouais. Et puis alors, ce qu'ils nous donneront pas de bonne volonté, nous le prendrons de force. Ouais. De force. Eh ben, vous pouvez faire votre testament. Quoi? On montrera ce que c'est, la force. Attendez un peu. À cause des soldats? Eh ben, nous aussi, nous avons été soldats. Et c'est pas quelques bataillons qui viendront à bout de nous. Ouais, des mots en l'air, tout ça. Je vous le dis, si vous chassez deux bataillons, il en viendra 10. Regardez! Là, les soldats! Quoi? Regarde à vous! Oh, bah, je fous le camp! Quoi? Qui que c'est qui parle foutre le camp? Qui qu'a dit ça? Oui! Qui que c'est qui a peu d'un coup et de méchants casques? Je vous commanderai, moi, j'ai été soldat. Je connais ça. Ouais. Et avec quoi vous tirerez? Hein? C'est avec vos bâtons? Allez, allez, tu viens avec nous, Gottlieb? Je pense bien que non, qu'il n'ira pas. Oh, perdez donc pas votre temps, tâchez de donner du cœur et de la vête comme ça. Venez sur la place tout de suite. Le commandant parle aux gens du haut de son cheval et leur dit qu'il faut rentrer chez eux. Si vous venez pas tout de suite, tout est perdu. T'as là un homme qui a un fier courage. Ouais, en avant! Et tous ceux qui sont pas des lâches, nous suivent. Portez-vous bien, Périls. Nous vous reverrons. Ouais, je crois pas qu'on se revoie. Hein? Car je vivrai pas plus de 5 ans. Et t'es sûr d'en attraper au moins pour 5 ans. Ouais, attraper de quoi, Périls? De la prison, parbleu. Ah ben, ça me fait plaisir. Au moins, je serai toujours nourri pendant ce temps-là. C'est vrai, Gustave. Je me suis un peu saoulé. Mais tout de même, j'y vois encore clair. J'ai pas perdu la tête. T'as ton opinion, j'ai la mienne. Et je dis que Becker a raison. Même si ça finit par la prison, on y est toujours mieux qu'ici. On y est soigné, on mange pas de tout. Et puis, vois-tu, mon vieux, faut au moins respirer une bonne fois dans sa vie, sans donner une fois tout son sou, sans s'occuper où que ça vous mène. Adieu, Gustave. S'il m'arrive quelque chose, c'est pas une petite prière pour moi. Adieu! Mais dis-moi, mon homme, quoi qu'il se passe donc? quoi qu'il peut y avoir. Seigneur Jésus, est-ce que c'est pas le tonnerre? Seigneur mon Dieu, protège les pauvres tisserands. Protège mes pauvres frères. Maintenant le sang coule. Mais c'est qu'on se bat pour de bon. Périsse, Périsse, ne restez pas à la fenêtre. Il y a ici une balle qui vient de casser un carreau. Grand-père, grand-père, ils ont tiré des coups de fusil. Il y en a deux tombés. Il y en a un qui a tourné, tourné comme une toupie. Et puis l'autre, il s'est battu comme un moineau à quiconque le coup. Et du sang qui coulait. Ils en ont tué deux. Oh, regardez maintenant. Ils attaquent les soldats. Oh non, mais regardez les femmes. Elles leur sautent à la figure. Elles leur crachent au visage. Ils chargent en fusil. Ils vont encore tirer. Périsse, Périsse, retirez-vous de la fenêtre. Eh ben quoi? Sont-ils tous enragés? Nous donner à manger de la poudre et des balles au lieu de pain? Leur laisser tuer ma femme? Jamais. Gare là, camarade, j'y vais. Gottlieb, Gottlieb. Où est donc Gottlieb? Il s'est donné au diable. Tirez-vous donc de la fenêtre, Périsse. Jamais, quand vous y mettriez tous. C'est ici que le père Céleste a marqué ma place. Et c'est ici que je dois rester et faire mon devoir, n'importe ce qui arrive. Et quand même, la neige se mettrait à brûler. Père, père, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, père, qu'est-ce qu'il y a? Grand-père! Grand-père! Ils ont chassé les soldats du village! Ils ont pris la maison de Dietrich! Ils ont fait comme ces Dreissiger! Grand-père! Grand-père! Mais parle donc, mon homme. Dis quelque chose. C'est qu'on finirait par avoir peur. Oh! Ils nous l'ont tué! Oh, grand-père! Le Théâtre populaire de juin 44 vient de vous présenter, dans une production de Maurice Bertrand, Les Tisserands, une adaptation radiophonique du drame de Gerhard Hauptmann, traduction française de Jean Torel. Avec Marcel André, Lucien Rimbourg, André Burgère, Jean-Louis Maury, Jean Clarence, Georges Cuzin, Raymond Rognoni, Charles Lavial, Georges Adet, Jacques Mancier, Marcel Alba, Marcel Lestang, Valé Valdi, Serge Rousseau, Jean Bourgogne, Michel Ferrand, Louis Perdoux, Charlotte Clasis, Germaine Ledoyen, Olga Nilza, Fanny Marette, René Dandry, Jacqueline Rivière, André Gilles, Anne Laurent. Présentation de M. Gérard Jacquet, ancien ministre, président de juin 44. Prise de son Jean Pantaloni, collaboration technique Françoise Brochard, bruitage Henri Saint-Georges, assistante Odette Briane. Réalisation Roger Dattis.